Les chasseurs de nazis. Chapitre 6, la méthode Klarsfeld. Cinquième épisode. Militants de la mémoire de la Shoah, nous, fils et filles des déportés juifs de France, avons été combattifs sur tous les fronts. Faire œuvre de mémoire, tel est le titre d'un des derniers chapitres de l'autobiographie de Serge Klarsfeld. Nous avons organisé en 1981 le premier pèlerinage de groupe en avion à Auschwitz-Birkenau en un seul jour. Nous avons édifié en Israël, à Roglit, en 1981, le monument qui porte les noms des 80 000 victimes de la Shoah en France. Nous avons amené au procès de Cologne des milliers de jeunes juifs de France. Nous avons conduit à Auschwitz-Birkenau en 1992 un millier de fils et filles de déportés par le train de la mémoire, en suivant le même itinéraire que les trains de la déportation. En 1993, nous sommes allés de Tallinn à Konaus, à Sobibor, à Majdanek et à Auschwitz-Birkenau, sur tous les lieux de mise à mort où furent acheminés les Juifs de France. Les milliers de photos d'enfants juifs que nous avons pu retrouver sont exposés au mémorial de la Shoah à Paris, au mémorial du camp des Milles, au mémorial de l'Holocauste à New York, au pavillon français à Auschwitz, au Cercil mémorial des enfants de Veldiv à Orléans. Bureau parisien, Serge Klarsfeld, sur le mur derrière vous, les certificats du président de la République qui vous nomme commandeur de la Légion d'honneur, puis grand officier de la Légion d'honneur, et à côté, une carte d'Auschwitz. Est-ce que sur ce mur est résumé, on va dire, un destin, une vie, un combat ? Oui, ben il y a aussi Béat, hein, à côté. Oui, c'est un résumé. C'est vrai que c'est à Auschwitz que où je suis allé en 1965 pour retrouver les traces de mon père et pour garder le lien vraiment avec mon père. Oui, c'est à Auschwitz que tout s'est décidé pour moi. Et mon axe a été toujours la mémoire de la Shoah, et puis Israël, quoi, donc, et la France, bien entendu. Et nous avons la nationalité israélienne, Béat et moi, et notre fils aussi, qui a fait son service en Israël, mais nous avons aussi les plus hautes distinctions allemandes, ils nous ont accordé, et Béat ici, vous la voyez, elle a été une des deux candidates à la présidence de l'État allemand. Nous, on s'est toujours chargé des criminels de haut niveau, c'est-à-dire des cadres, les cadres supérieurs, ceux qui signaient des documents. De cette façon, on a la certitude de la culpabilité. Et les criminels que dans la dernière période de jugement des criminels nazis, on peut encore traîner devant un tribunal, sont des criminels pour lesquels la signature n'existe plus parce que ils étaient à un niveau trop subalterne pour signer des documents et donner des ordres. Ce qui fait que le travail d'Ephraïm Zuroff est un travail ingrat, un travail... Serge Klarsfeld, Ephraïm Zuroff, auquel vous faites référence, c'est le directeur du centre Simon Wiesenthal à Jérusalem. Le travail d'Ephraïm Zuroff est un travail qui a un certain succès, puisqu'il a obtenu que la justice allemande interprète les lois de façon à ce que les condamnations soient automatiques pour ceux qui parviennent encore à être traînés devant un tribunal en dépit de leur âge et de leur état de santé. Mais c'est pas une mission dont nous voulions nous charger. Ça nous paraissait trop difficile et trop ingrat et ne pas correspondre à la vision de la justice que nous avions, parce que souvent ces criminels n'étaient pas des gens qui avaient reçu une éducation leur permettant de résister aux problèmes de discipline, aux valeurs de discipline, au tout fait tout simplement qu'ils n'étaient pas... qu'ils étaient dans un univers qui n'est pas le même univers que celui qui a reçu une éducation universitaire. Celui qui a reçu une éducation universitaire a une responsabilité bien supérieure et il pouvait résister et ne désobéir ou ne pas se mettre dans cette situation. Lichka, Hagen pouvaient mais ils étaient animés par l'idéologie nazie à un haut niveau. Leguet, Bousquet, Papon, tous les trois, leur père était notaire. Ils auraient pu démissionner et ne pas faire le travail. Demianouk devait être un paysan ou enfant de paysan. Un tel autre était ouvrier. Donc ceux-là, leur responsabilité, à mes yeux, elle est atténuée. Et c'est pas au moment où ils ont 90 ans et plus que je vais, ou 80 ans et plus, si je me retourne en l'an 2000, quand nous avons pratiquement arrêté notre activité judiciaire, c'est pas eux que je vais tourmenter. Donc c'est très bien que Ephraim Usurov soit là, mais il est là et il n'a pas besoin de nous. Il faut dire aussi, là aussi c'est autre chose, il faut dire aussi que nous étions sur place, on n'était pas derrière un bureau, on était en Amérique du Sud, Béat a risqué sa vie à plusieurs reprises, sa liberté je ne sais combien de fois, moi aussi, on a toujours été sur place dans toutes les entreprises qu'on a faites. À l'époque, on nous voyait en prison. Wiesenthal, on le voyait à côté du chancelier allemand, lequel chancelier allemand amenait Monsieur Reagan à Bitburg pour honorer les Waffen-SS qui étaient morts. Donc, on n'a pas eu les mêmes, le même comportement. Nous, c'était pas les conférences de presse, c'était aller sur place, créer sur place, aller à Damas, c'est pas donner une conférence à Paris ou à New York pour faire savoir ce qu'on voulait faire savoir. Et en plus, je dirais, en plus, on a été accompagné, voilà, par des gens comme Madame Benguigui, par Madame Alon Brenner, qui étaient des vieilles dames de plus de 70 ans et qui sont allées faire la grève de la faim à Munich devant le palais de justice, ou bien qui est allée à La Paz, à plus de 4000 mètres d'altitude, pour réclamer justice pour ses enfants. Et on n'a jamais vu les chasseurs de nazis, on les a jamais vus sur place, donc... J'en tire la conclusion que aujourd'hui d'ailleurs il s'agit de vieillards et on peut c'est plus une chasse aux nazis, mais à l'époque on n'a jamais vu de chasseurs de nazis, jamais vu des nazis tués par des vengeurs. Tous les films qui ont été faits ont propagé cette légende, mais c'est une fiction et je m'oppose moi fortement à cette fiction, voilà. On a rebouclé avec notre début. Notre début, oui. Un rendez-vous, c'est l'argent. Pardon ? Un rendez-vous. Ah bon ? Oui. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet. Un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Texte lu par Elisabeth Mazève et Xavier Zapla. Prise de son Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre et racontée par Michel Pomared, revient dès lundi avec le chapitre 7 intitulé Les Américains font le ménage. Madame, Monsieur, bienvenue à New York, à l'aéroport JFK. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne.